بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Nous t'avons donné le Kawthar. Célèbre donc la prière de ton Seigneur et immole à sa gloire. En vérité, c'est ton adversaire qui sera sans postérité aucune.